on va essayer, on va essayer, on va essayer. 1, 2, 3, 4. Trop de délai, trop de délai, trop de reverb, trop de délai. Bordel de merde, il y a trop de délai. Non, bah c'est bien. Face, the moins de reverb, ça fait que...